Jésus, mon divin maître, viens t'apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne l'accorderai pas. Tout est mon chemin rayonne, c'est fait qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne l'accorderai pas. Tout est mon chemin rayonne, c'est fait qu'il conduit mes pas. Ta puissance souveraine maintenant règne chez moi. Si le péché brise la chaîne, et la vainqueur par la foi. Oh, la paix que je te donne, je ne la laisse pas. Tout ce mon j'aime rayonne, depuis qu'il connaît mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la laisse pas. Tout ce mon j'aime rayonne, depuis qu'il connaît mes pas. Et tranquille ma chapante, ma payance mon sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout le monde j'aime rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Que le Seigneur dirige tes pas. Qu'elle te remplisse de son Saint-Esprit. Amen. Et qu'à partir de là, il devienne ton conducteur. Cet agent secret de Dieu, son merveilleux conseiller secret, le roi invisible des chrétiens, il ne conduit jamais en erreur, ni dans des fausses croyances, ni dans l'égarement, mais qui conduit dans la vérité, qui honore et bénit ses promesses, des faiblesses, il console à coup sûr. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons maintenant pour ce grand amour que tu nous témoignes sur la terre des vivants qui nous accorde le souffle de vie. Nous voulons que tu étendes ta main pour que chacun reçoive la bénédiction rédemptrice, le Saint-Esprit dans le cœur, la régénération complète, la véritable nouvelle naissance, le pardon de tes péchés, la délivrance totale, la victoire sur le mal, sur les iniquités, sur le péché, le changement de comportement, le changement d'attitude. Seigneur, tu es capable de faire cela. Et nous te les demandons avec foi, convaincu que tu réalises ces choses et que tu ne failliras jamais dans tes promesses. qui console le cœur des affligés, toi qui fais des grandes choses innombrables, donne gloire à ton nom que nous servons, donne honneur à ton peuple, appelé de ton nom, combat pour nous les ennemis nombreux, combat exterminateur, balise notre chemin pour marcher la lumière, et que ta gloire devienne notre héritage. Bénédiction rédemptrice de Golgotha. Devient notre vécu quotidien. De la terre à la gloire. Et qui va jusqu'au ciel. Et même dans l'éternité, Seigneur. Et la paix de Dieu qui s'y passe sous tes chambres. Inonde nos cœurs en abondance. Donne-nous la vie véritable de Dieu. Car Dieu est venu pour que tes brebis aient la vie. Et qu'elle ait cette vie en abondance. Confirme le but de sa venue sur la terre. La mission du Christ, le Messie. Reste avec chacun de nous, Seigneur. Et bénis l'exhortation dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur en guise d'exhortation. Dans Ésaïe au chapitre 66. Dans Ésaïe au chapitre 66. Nous lisons au verset 13, ce qui suit. Car, ainsi, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Amen. Somme 119. Nous prenons le somme 119, verset 80 à 82, et nous pouvons lire également le verset 85. Psaume 119, verset 80 à 82. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse, j'ai dit, quand me consoleras-tu? Verset 84 ici. Quel est le nombre de jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Sikaete mote marangai ejala sembo kati na mibeko na yo. Uye na kuhoka solite. Na posa mingi mote marangai iku jilaka kubika na yo. Na jali na elikia na liluba na yo. Miso nangai yoki pasi kwete na talaki pi epai na yo. Ubondi sangai tango nini? Mutuya mikuluna musali na yo ejali Boni boni, ukukweisa batungisi nangai tango nini? Adjo bénisse la lecture de sa sainte parole. Dambia pamu la wote ndi kwenye mosanti. Au nom de Jésus-Christ. Ukukuvanda na kumuna Yesu Kristo. Alors, bienvenue à cette parole d'exhortation. Oui, malamu na lebawe lindisi. Ici à la réunion de prière et adoration. Awana likita mabondi lipe kukumba mira. Notre jeudi soir au tabernacle des chrétiens. Na bitu na pokwa na mongomo na Kristo. Alors, nous venons chacun de nous exprimer devant Dieu. Oui, aki moko na moko a Et avec amour, avec conviction et foi dans le Dieu vivant, que sa parole est notre lumière. Elle est une force qui console. Dieu a dit, comme nous l'avons lu ici dans Ésaïe 66, le verset 5, comme un homme qui console sa mère. Je vous consolerai et vous serez consolés dans Jérusalem. Parole du Seigneur lui-même, comme un homme qui console sa mère. Vous savez comment nos mères sont si importantes dans les moments douloureux et difficiles de la vie. Parfois nous redoutons la colère, la fureur d'un père que nous avons déçu. Chaque enfant se replie souvent sur sa mère. Il va se cacher un peu là-bas. Pour que maman atténue la colère et la fureur de son père. Parce que l'enfant sait que maman sait comment atténuer la colère de son père. Son père qui est son mari. Donc maman au moins peut mieux parler que moi l'enfant. Les explications peuvent ne pas être les bienvenues. Auprès d'un père furieux, ma mère servira de bouclier. Elle servira de tremplin. C'est elle qui servira de consolatrice. Elle me sert un peu de refuge et de cachette. Je vais mieux tout lui expliquer. Comme ça, elle trouvera les mots appropriés pour parler à papa. Bien-aimés frères et sœurs, nos créateurs connaissent ce que nous sommes. Combien nous sommes fragiles, nous les humains. Et que devant sa fureur, nul ne peut subsister. Nous serions écrasés et disparus en un instant. Mais lui qui est père, un roi juste, un juge incorruptible, un juge parfait, comment me dire là, il veut être pour nous un chagrin. Il est enfin le Dieu de puissant, Dieu de justice, un roi souverain, un juge incorruptible, mais il est aussi notre consolateur. Il est également notre mère. Alléluia. Et il dit lui-même, comme un homme qui console sa mère. Moi qui suis votre père, mais également votre mère. Moi votre Seigneur, votre Dieu. Je vous consolerai. Et vous serez consolé dans Jérusalem. Pourquoi dans Jérusalem? Il est écrit que de Sion sortira la loi. Et de Jérusalem sortira la parole de l'Éternel. Nous l'avons lu le dimanche. Dans au chapitre 4. Et également dans Esaïe au chapitre 2. La même vérité est revenue. Car de Sion sortira la loi. Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Bien aimé frères et sœurs, là où nous avons la meilleure consolation, ineffable, qui ne déçoit pas, et dans Jérusalem, et de Jérusalem sort la parole de l'Éternel. Nous avons consolation par la parole. Nous devons nous consoler par la parole. Nous devons demeurer par la parole. Et quand nous prions, prions par la parole. Selon la parole, avec les promesses de Dieu. Il est toute chose, il est toute chose pour moi. Il est toute chose, il est toute chose pour moi, car il est mon père, ma mère, mon père, ma soeur, il est toute chose pour moi. Oh, il est toute chose, il est toute chose pour moi. Elle sera, il est toute chose. Et il est toute chose pour moi, car il est mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, et il est toute chose pour moi. Ça, ça là, il est pour moi. Et toi, à ton tour, est-ce qu'il est là, il est ça pour toi? Toute chose. Il est ton père, il est aussi ta mère, il est aussi ton frère, et il est aussi ta soeur, il est toute chose pour moi, et je suis heureux d'être l'un de vous. Oh, béni soit le Seigneur, je suis heureux d'être l'un de vous. Il y avait le Seigneur Jésus comme père, comme mère, comme frère, comme soeur, et comme tout. Comme un homme qui console sa mère, je vous consolerai. Et vous serez consolés dans Jérusalem. Vous serez consolés dans la parole de l'Éternel. Vous serez consolés dans les promesses de Dieu. Alors même si des choses vous affaiblissent, relevez-vous, tenez-vous debout. Debout sur les promesses de Dieu. Soyez ferme, debout sur les promesses de Dieu. Car il ne faillira jamais. Il accomplira chacune d'elles. C'est la vérité. Et David l'a dit, nous avons lu dans les psaumes 119, mon âme languit. Après ton salut. Mon âme à moi languit. Après ta promesse. Quand me consoleras-tu? Vous, je réclame ça et je le demande à mon Dieu vivant. Rire. Verset 81. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Oh, toi c'est là. J'espère à ta promesse. Et les promesses de Dieu fondent vos espérances. Et les promesses de Dieu motivent votre espérance. Et les promesses de Dieu justifient votre espérance. Vous ne jamais désespérer. Ni jamais se laisser abattre. Mais être très fort. Debout sur les promesses de Dieu. Voyez. Il dit, mes yeux languissent après sa promesse. Et je dis, quand me consoleras-tu? Quand tu demandes à mon Dieu, tu as promis la consolation. Mais quand vas-tu me consoler? Tu l'as promis et je le fais. Tu l'as promis et je l'ai entendu. Tu l'as promis et je l'ai reçu. Tu l'as promis, mon âme dévore les promesses. Tu l'as promis, je ne peux pas l'oublier. Tu l'as promis, je te prends, mon Seigneur. Tu l'as promis, je sais que tu ne m'as jamais. Tu l'as promis, je sais que tu es puissant. Tu l'as promis, je sais que tu es vivant. Et si tu es pour accomplir la promesse. Mais quand vas-tu me consoler? Quand la consolation, Seigneur, nous pouvons réclamer ça. Et Dieu écoutera notre prière. Et Dieu honorera notre foi. C'est pour ça que devant les situations, nous ne devons jamais désespérer. Nous devons toujours oser parler au Seigneur. Nous montrer disponibles à l'appeler sur la terre. Un jour, il y avait une réunion tenue par le reverend William Branham. Et un cas de regret a été signalé. Pendant que le pasteur Branham s'amusait à la chair, et il voulait lire les textes de la parole, une annonce urgente passe. Une annonce urgente passe. On appelle pasteur Wolf. Pasteur Wolf, il est dans la salle, s'il vous plaît. Est-il revenir, aller au bureau? Il y a un besoin de lui. Et puis, on a entendu le communiqué urgent. Et lui aussi s'interpose. Pour non, il s'interpose. Il s'introduit dedans. Écoutez ce qui s'est passé. Dans les sermons, les sons confus. Du 14 juillet 1962. Les sons confus. 14 juillet 1962. Paragraphe 36. Alors, il dit, un frère annonce. Il y a une urgence pour le pasteur Wolf. Il veut bien retourner au bureau, s'il vous plaît. Alors, frère Branham Simix n'avait pas les détails de ce communiqué. Mais pour montrer l'attitude d'un croyant qui s'attend à Dieu à tout instant. Prêt à appeler Jésus sur la scène. Toujours disponible pour prier. Chaque fois que l'occasion nous est offerte. Alors il a dit, si c'est un cas de maladie, annoncez-le à l'estrade, pasteur. Pasteur Branham. Bapengi ne pasteur Hall. Avec une carte auditoire, Bapengi dit, mais il va y avoir un problème. Il est là-bas et une urgence Si c'est un cas de maladie, annoncez-le à l'estrade, pasteur. Annoncez-le-nous. Si c'est un cas de maladie, annoncez-le à l'estrade, pasteur. Annoncez-le nous. Nous prierons s'attarder. Si vous disposez de même, il y a un cas. Nous ne savons pas. Bon, c'est un cas urgent. On a dit urgent. Nous ne savons pas, mais c'est un cas urgent. Ça doit être quelque chose. Alors, le frère dit. Il y a un homme de son église qui se meurt. Et il le réclame. Donc, un homme de l'église du pasteur Wall qui s'est mouru. Et il réclamait son pasteur. On a appelé le bureau de mission. Là où prêchait frère Branham. Voilà la situation. Il y a un homme de son église qui se meurt. Et il le réclame. Nous pouvons prier pour lui. Attention. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Et à porter les fardeaux les uns. Nos échappatoires, nos prétextes. Nous pouvons rater des fois les occasions d'invoquer Dieu. Et d'expérimenter ces bénédictions. N'allons pas trop avec des logiques intellectuelles. Quand la foi se lance, nous fermons un peu la porte de la sagesse intellectuelle. Nous voulons voir Jésus en scène. Lui exposer uniquement notre foi. L'appeler sur la scène. Parce qu'il a dit que là où nous sommes rassemblés, mon nom, je suis le milieu d'eux. Oh, béni soit son nom. Il a dit, nous pouvons prier pour lui. Alors, Branham dit, oh oui. Un homme très malade à l'article de la mort de son église. Pasteur Hall, que Dieu le bénisse. Pasteur Hall, que Dieu le bénisse. Là, il y a un homme très malade de l'église du pasteur Hall qui a l'article de la mort. Mais ça nous trouve nous en réunion de prière. Nous n'allons pas ficher l'indifférence. Nous avons un père et une mère. Nous avons un frère et une soeur. Et son nom s'appelle Jésus-Christ. Il est avec nous au milieu de nous. Il est le Dieu des promesses. Il a dit invoque-moi et je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Nous pouvons l'invoquer parce qu'il est prêt. Et lui Dieu nous délivrera. Et nous le glorifierons. C'est sa promesse, n'est-ce pas? Oh, c'est pas sa promesse? Notre âme doit languir derrière ça. Notre âme ne doit pas oublier cette promesse. Oh, moi je sais qu'il est vrai. Il l'a dit et c'est la vérité. Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. C'est dans l'accomplissement de sa promesse que nous recevons consolation. Et nous avons le droit de réclamer quand est-ce qu'il va nous consoler. Quand est-ce qu'il va châtier nos persécuteurs. Faire justice contre ceux qui nous persécutent. Disons-le lui sans honte. Oui. Il dit, un homme très malade. À l'article de la mort de son église, pasteur Hall, que Dieu le bénisse. Alors, il est parti répondre au bureau. Pendant que lui part, comme a promis Frère Branham, il dit, inclinons la tête. Notre Père Céleste, ce bienveillant pasteur va maintenant au téléphone pour écouter quelqu'un de son assemblée. Père Céleste, sans doute que son pasteur se rappelle maintenant des heures et des appels à l'hôtel et des choses qu'il a faites, espérant maintenant que tout est en ordre. Donc pendant que cet homme de son assemblée est à l'article de la mort, le pasteur est appelé d'urgence. La mort vient frapper à la porte de l'église. Il espère vraiment de son cœur dans les promesses de Dieu que tout est en ordre. Alors il dit qu'il n'y ait aucune mauvaise chose quand nous serons sur le point de partir, Seigneur. Et c'est merveilleux. Comme il est écrit, il a dit pris aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Il a de la valeur. Il a dit pris aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui aiment l'Éternel. Cette mort est valeureuse. Elle contient une valeur. Et alors qu'il n'y ait aucune mauvaise chose. Quand cette heure-là de la mort sonnera, il dit qu'il n'y ait aucune mauvaise chose. Quand nous serons sur le point de partir, Seigneur, c'est merveilleux. Il a dit pris aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Maintenant, Père, si c'est possible, épargnez-les. Si c'est possible, épargnez-les. Cet homme-là très malade. Dans l'assemblée du pasteur Hall. À l'article de la mort maintenant. Qui réclame son pasteur. Alors, si c'est possible. Épargnez-les. Ne le veux-tu pas, Seigneur? Ne le veux-tu pas? Épargnez-les. Si c'est possible. Branham ne le connaissait pas. Et pasteur Hall n'est pas. Branham ne le connaissait pas. On a seulement cité au micro pasteur Hall. Et Branham commence à intercéder ensemble avec l'église pour le cas de détresse. Car la promesse de Dieu est valable tout le temps. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Pas trop de raisonnement. Pas trop de philosophie, mon ami. Prie. Oh, ce n'est pas philosophant trop que nous avons fait. Nous devons avancer. Passer à l'action. Voilà. Il dit, maintenant Père, si c'est possible, épargne-les. Ne le veux-tu pas, Seigneur, à cause du service de ce soir. Donc c'est communiqué et passé et à trouver des combattants et des combattantes réunis pour la prière. En réunion de prière. Ne pas nécessairement comme ça. Allons-nous prendre ça comme un fait divers? À cause de la réunion de ce soir. Comme c'est passé par ici. Et qu'il y a des chrétiens devant Dieu. Mais puisqu'à cause de ça. Épargnez-les, Seigneur. Si c'est possible. Que cela ait lieu à un autre moment. Et ce cas est passé par nos oreilles. Et qu'on entende que il est mort pendant que nous prions et nous avons salué. Nous étions réunis. Vous non, Seigneur. Et ça doit arriver coûte que coûte. Épargnez-les d'abord. À cause de notre réunion de prière. Que cela arrive à un autre moment. Laisse-nous terminer d'abord notre réunion. Et garde la vie de cette personne. Écoute même. Comment il est allé avec sa foi réclamée. Il dit que cela ait lieu à un autre moment. Si le temps de cet homme est arrivé, écoutez, si le temps de cet homme est arrivé, et le nombre de ces jours c'est terminé, non? Et là, c'est une limite que la Bible dit, l'homme ne peut pas franchir. Bon, si le temps de cet homme est arrivé, laisse-le vivre un petit moment de plus, Seigneur. Juste en réponse à la prière. Il est toute chose pour moi, mon ami. Je peux lui parler, il est mon père. Il est ma mère, il va me consoler. Il est mon frère, il est ma soeur. Il est toute chose. Pour toi aussi, non? Jésus-Christ est toute chose. Oh, c'est vrai. Il dit que cela ait lieu à un autre moment. Au lieu que non communiquer, moi, mais notre réunion a servi à quoi alors? Il faut que cela se passe pendant que nous prions. Il y a la réunion, c'est beaucoup plus compliqué. Non, Seigneur. Donne-lui de vivre un petit prix en plus. Des heures supplémentaires. Si le temps est là, nous te demandons, à cause de la réunion de ce soir, juste en réponse à cette prière, quelques minutes supplémentaires, quelques jours supplémentaires, nous saurons que tu nous as exaucés. Voyez comment les croyants considèrent les choses. Tu ne vas pas dire non, mais ton sambel, Marie, ton sambel, à Koufikaka. Ne sois pas bête. Vous allez beaucoup fumer sauter. Prière, n'a pas fait quelque chose. Et possible, Moutouana attend 30 minutes supplémentaires. Attends 1 heure supplémentaire. Attends 3 heures de plus. Dieu t'a exaucé. Oh. Dieu t'a exaucé. Il pouvait mourir sur le champ. Mais ta prière a ralenti sa mort. Ta prière a retardé sa mort. Non, ton Dieu pour ça. Il faut pas parler comme un incrédule. Oh, ma prière ne nous a servi à rien. Aveugle. Ta prière a servi à quelqu'un. C'est parce que tu as prié. Je peux dire que cette personne Motuana a pu vivre encore. Il y a 2 heures. 4 heures. 6 heures dit ça. 8 heures. 12 heures. 20 heures dit ça. 1 jour de plus. 2, 3, 4, 1 semaine. 1 mois. Sans amoko. Deux jours même. Et Dieu sait que cette personne pouvait mourir déjà. Mais parce que toi tu as demandé. Parce que tu as pris de ton temps. De ton temps précieux. Pour parler au Seigneur. Intercéder en sa faveur. À cause de ça. Il rallonge de plus lui donner. Même si son temps était arrivé. Mais juste parce que Dieu honore les personnes sincères. Parce que Dieu honore les personnes sincères. Alors il honore ta prière. Sois profond et comprends. Je ne te lamente pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Écoutez, accorde la paix. Console le cœur de ceux qui veillent sur lui. Que nous nous rappelions, Seigneur, que nos corps sont fragiles. Nous sommes poussière de la terre. Nous retournerons à la poussière de la terre. Mais accorde-nous de nous rappeler notre création. Maintenant que nous jouissons de nos facultés, et que nous pouvons avec bon sens et raisonnablement venir à l'hôtel recevoir le Christ comme notre sauveur. Nous qui jouissons encore de nos facultés, nous pouvons jouir de nos facultés intellectuelles et sensorielles. Et nous avons cette occasion, nous pouvons venir à l'hôtel recevoir de recevoir Christ, oui, exploitant nos facultés que Dieu nous a données, pendant que nous aspirons encore ce souffle de Dieu. Gloire au Seigneur. Souvenons-nous de notre Seigneur. Pendant que nos facultés fonctionnent encore. Et béni frère, oh le Seigneur. Je prie pour lui. Je prie pour celui qui se meurt. Au nom de Jésus, amen. La réunion s'est déroulée. La réunion s'est terminée. Il n'y a pas eu de message nécrologique. Qu'est-ce que c'est? Dieu honore les personnes sincères. Comme il est écrit dans les psaumes, et c'est la vérité, que mon cœur sois toujours sincère dans tes statuts. Afin que je ne sois point couvert de honte. Psaume 119, le verset 80. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts. Afin que je ne sois pas couvert de honte. Dans les textes de la parole, dans les vérités du Seigneur, que votre cœur à chacun soit toujours sincère. Et vous serez épargné de l'opprobre. Vous ne serez pas confus comme le reste des incroyants, des incrédules, des infidèles, des païens, des païennes. Dieu t'honorera toi. Soyez toujours sincères. Et Dieu vous honorera. C'est ce que j'essaye de vous dire ce soir. Soyez toujours sincères et honnêtes. Et Dieu vous honorera. Il est tout pour vous. Il vous honorera. Il vous consolera. C'est vrai. Dans ces rangées du côté de Jésus, prêché le 1er juin 1962, les paragraphes 66, le Panamandi, Dieu honore toute personne qui est sincère. Dieu honore toute personne qui est sincère. Sommes-nous d'accord? Nous retenons. Donc, si moi je suis sincère, Dieu m'honorera. Si toi tu es sincère, Dieu t'honorera. Si toi sœur tu es sincère, Dieu t'honorera. Si toi église tu es sincère, Dieu t'honorera. Pierre a dit cela. Il a compris que Dieu ne faisait exception de personne. Toutes les nations qui invoquent Quand chez Corneille, Pierre était chez Corneille. Et pas il fait de la Saint-Esprit, comme la valeur sur commençant. Voyez-vous, Dieu ne fait exception de personne. Nous voyons une personne dans toute sincérité. Être sincèrement dans l'erreur. Mais si elle est sincère, Dieu la conduira à la lumière quelque part. Et il viendra. Parce que Dieu est obligé de faire cela. Dieu honorera. Dieu respectera. Dieu honorera. En d'autres termes, il respectera toute personne qui est sincère. Quand moi j'entends ça, je rejette l'hypocrisie. Quand j'entends ça, je refuse les faux semblants. Quand j'entends ça, je prie avec sincérité. Je ne serai jamais superficiel. Je serai aussi sérieux que possible. Chaque fois que j'invoquerai mon Seigneur. Dieu est obligé de m'honorer à cause de ma sincérité. Gloire et louange à Jésus-Christ. Je veux dire ici dans un témoignage amen. Je termine là. Un témoignage amen. Prêché le 26 juillet 1962. Témoignage amen. Paragraphe 18. Eh bien, chaque fois que vous tous membres de l'Église de Dieu, vous tous membres de l'Église de Dieu, menez une bonne vie. Dites amen. Amen. Vous tous membres de l'Église de Dieu, l'exhortation est là. Menez une bonne vie. Vivez correctement. Les gens observent votre façon de vivre. Souvenez-vous de ça. Et s'il y a un obstacle au christianisme aujourd'hui, c'est le mode de vie des chrétiens de nous. Le mode de vie des chrétiens qui s'appellent chrétiens juste par le nom de chrétiens, leur mode de vie est un grand obstacle qui empêche les gens de se convertir, de devenir chrétiens. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'être un obstacle. Ne montrez pas aux gens qu'ils peuvent demeurer ce qu'ils sont là. Moi, entre vous et eux, il n'y a pas de grande différence. Montrez-leur l'exemple à suivre par votre façon de vivre. Soyez un modèle pour les païens. Soyez un chrétien exemplaire pour les autres. Soyez correct, menez la bonne vie. Pratiquez la parole sans vous gêner. Faites ce que l'Évangile vous ordonne. Et ils suivront votre exemple. Ils vivent ce qu'ils croient. Oh, c'est sérieux, il n'est pas aventurier, il n'est pas hypocrite. Il vit vraiment ce qu'il croit. Voyez, ne soyez pas une pierre d'assoupement pour les païens. Quand tu fais les mêmes choses que tu les encourages en fait à faire ces choses. Et toi, aussi, tu pars boire avec eux. Soi-disant pour les gagner. Ce n'est pas comme ça. Toi, tu peux aller avec eux. Sentir les odeurs d'alcool. Mais n'y touche pas. Ils se demanderont. Mais il est inhumé comme nous. Il est exposé à la même odeur. Mais comment il n'a pas pu? Comment il a pu? Autrefois, on vivait ensemble. Mais lui a tenu le coup vraiment. On a bu, on a commencé, on a fait tout. Ça lui a rien fait. Un jour, nous voudrions être comme lui. Êtes-vous là? Tu ne vas pas dire je suis serviteur de Dieu. Alors pour gagner les prostituées, alors je vais les draguer. Comme ça, nous portons d'abord dans une chambre d'hôtel, Ça, c'est la dissolution. Que tu es au-dessus de la prostitution. Que ce péché-là ne peut pas t'accaparer. Oh non, cette sœur est stérile. Le alors vous le prêchez par l'exemple. Moi je suis serviteur de Dieu. Je veux sortir avec elle. Je vais attraper la grossesse. Pour croire que notre Dieu donne des enfants. C'est pas chrétien de chez vous. Combien de sœurs stériles ont été attraper la grossesse de leur pasteur? Je suis allé dans la grossesse spirituelle. Oh mon Dieu, si votre Dieu n'a pas répondu, mon Dieu répond. Ça, ce sont des enfants du diable. Qui viennent pour semer la confusion. Prêchez par votre bon exemple. Amen. Ne commettez aucun péché. Sous aucun prétexte. Ne faites pas ça. Soyez chrétien par l'exemple de Dieu. Menez une vie chrétienne correcte. Le message, je te l'ai dit, frère. Les gens observent votre mode de vie. Et c'est ça qui les empêche, au fait. Ça les empêche. Pour qu'ils ne croient pas. Parce qu'ils t'empêchent. Tu dis que tu crois à l'évangile, mais tu vis comme eux, tu fais la même chose. Ils ne voient pas la différence. Tu es un hypocrite. Tu fais la solution. Et tous les empêches de croire, leur sang sera demandé sur ta tête. Tu regardes ici devant ces gens-là, il verra pourquoi ils n'ont pas pu croire. C'est parce que toi qui t'es riche chrétien, tu leur montres pas les bons exemples à suivre. Tu faisais la même chose qu'eux. Voilà. Donc, c'est le mode de vie des chrétiens de nous, la malhonnêteté. C'est Pierre d'achoppement. Les déshonneurs. Vivant n'importe comment. La malhonnêteté et les déshonneurs. C'est ce que font les chrétiens. Mais non. Ils se font appeler chrétiens mais qu'ils ne sont pas. Leur vie est un scandale. Voilà. Repensez-vous. Arrêtez l'hypocrisie. Vous qui avez des copines, vous les frères. Et vous qui les sœurs qui avez des copines. Répensez-vous. Les païens vous observent. Et vous viendrez encore dire message, message. Mais ils s'en moquent. Quel message? On te voit là-bas dans les copinages. Et tu viens pas les messages. Quel message? La vie que tu mènes suffit. Bon, vous allez dire que c'est qui? Pour ça, si le message est important, vous allez dire que voyez? La malhonnêteté. Les déshonneurs. Vivant n'importe comment. Ne faites pas ça. Nous sommes des chrétiens. Quelqu'un observe notre vie. Exact. Soyez honnête. Que tout le monde le sache. Ce que vous croyez, que tout le monde le sache. Que tout le monde le soyez honnête. Frères, soyez honnêtes. Si nous n'agissons pas d'après ce que nous croyons, cela montre que nous n'avons pas cru. Nous sommes les seuls crédibles, c'est tout. Si nous disons croire le message, et que le message interdit de boire l'alcool, et que toi tu continues à boire l'alcool, ça montre que tu n'as pas cru le message. C'est tout. Arrêtez la malhonnêteté et les déshonneurs. Ça n'honore pas. Quelqu'un observe votre vie. Soyez honnête. Que tout le monde le sache. Que vos affaires soient tout à fait honnêtes. Vos affaires. Si vous ne trouvez pas la fraude, la tricherie, la magouille dans vos affaires. Tu t'appelles chrétien, mais tu es dans la magouille, la corruption. C'est pas juste, soyez honnête. Comment tu vas amener ces païens à croire le message? Quand ils savent que tu les trompes dans les affaires. Dans ton commerce, tu fraudes. Dans tes projets, tu escroques. Si tu établis de faux documents. Mais tu t'appelles chrétien. Vous voyez? Voilà. Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Que vous soyez frère ou sœur. Dieu vous jugera. Soyez honnête. Soyez correct. Menez une bonne vie. Ceci s'adresse à tous les membres de l'église de Dieu. Qui Que vos affaires soient tout à fait honnêtes. Et ne prenez rien qui ne vous appartient pas. Ne prenez rien qui ne vous appartient pas. La chose d'aujourd'hui, allez maintenant. Que tu sois frère ou soeur, ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Allez maintenant. Ne dites que la vérité. Et vous pouvez toujours dire la vérité chaque fois. Et Dieu honorera la vérité. Et faites toujours ce qui est juste. Traitez correctement tout le monde. Ça aussi. Traitez correctement tout le monde. N'ayez du mépris envers personne. N'ayez de la haine envers personne. N'ayez du dédain envers personne. Traitez correctement tout le monde. C'est ça notre message. C'est ça notre vie. Nous qui voulons aller au ciel. Pratiquons ça. Amen. Ça fait partie de notre préparation. De savoir traiter correctement tout le monde. Si on ne vous traite pas correctement, vous traitez-les correctement de toute façon. Même si eux vous traitent mal, vous à votre tour, traitez-les correctement. Vous deviendrez leur exemple alors. Et Jésus nous a traités correctement, alors que nous ne les traitions pas correctement. Et cette exhortation adressée à tous les membres de l'Église de Dieu puisse trouver place dans chacun de nos cœurs. Et que notre vie s'améliore et se perfectionne. Je suis imparfait, tu es imparfait. Notre Dieu le Saint. Et nous venons ici pour nous perfectionner. Alors, ne sois pas dérangé par la vérité que tu as entendue. Mais je t'exhorte à collaborer avec le Saint-Esprit. Il est ton secours là où tu ne seras pas. Il t'aidera et t'aidera à surmonter tout. Que Dieu te bénisse. Prenons-nous de vous pour la prière. La prière est une puissance. La prière, la solution, amène la prière, un dialogue, un chrétien, oui, avec, et mon prier, la prière. Chrétien, oui, avec, et mon prier, la prière est une présence, la prière c'est la solution, amis, la prière est un dialogue, Saint chrétien, oui, avec. Ils ont prié, la prière est une présence, la prière, la solution, oh la prière, c'est un dialogue, un chrétien, oui, mais aimons prier la prière. La prière est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue qu'un chrétien, oui, avec son Dieu. Disons encore au Seigneur un mot selon ce que nous avons compris et retenu cette exhortation. Parlons à notre Dieu qui est notre Père, notre Mère, notre Frère, notre Sœur, lui qui honorera toute personne qui est sincère. Il respectera toute personne qui est sincère. Soyez toujours honnête et sincère. Et Dieu vous honorera. Dieu vous consolera. Il l'a promis. Prions chacun. Seigneur Dieu, alléluia. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Loué soit Jésus-Christ, alléluia. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Jésus-Christ, ma victoire, alléluia, amen. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Jésus-Christ, ma lumière, alléluia, amen. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Jésus-Christ est mon Père, alléluia, amen. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Jésus-Christ est ma Mère, alléluia, amen. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Jésus-Christ est mon Frère, alléluia, amen. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Jésus-Christ est ma Sœur, alléluia, amen. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Jésus-Christ ma bannière, alléluia, amen. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Jésus-Christ les bons bergers, alléluia, amen. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Jésus-Christ mon sauveur, alléluia. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Jésus-Christ est le même, alléluia, amen. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Jésus-Christ ma présence, alléluia, amen. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Je crois en ses promesses, alléluia, amen. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Je crois en sa présence, alléluia. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Il est mon ciment, bouclier, alléluia. Crier, Seigneur Dieu, alléluia. Jésus-Christ ma retraite, alléluia, amen. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia, amen. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Jésus-Christ est mon guérisseur, alléluia, amen. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Il est aussi mon berger, alléluia, alléluia. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Il est mon consolateur, alléluia, amen. Loué soit le Seigneur Dieu, alléluia. Il est Dieu des promesses, alléluia. Alléluia, amen. Salut, Seigneur Dieu. Alléluia. Il est aussi mon médecin. Alléluia. Et toi, sois le Seigneur Dieu. Alléluia. Il est ma protection. Alléluia. Amen. Oui, sois le Seigneur Dieu. Alléluia. Il est mon avenir. Alléluia. Mon lendemain, c'est lui. Oui, sois le Seigneur Dieu. Alléluia. Il est aussi mon futur. Alléluia. Amen. Oui, sois le Seigneur Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, mon succès. Alléluia. Amen. Oui, sois le Seigneur Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, ma réussite. Jésus-Christ, alléluia, amen. Oui, sois le Seigneur Dieu, alléluia. Loué soit Jésus-Christ, alléluia, amen. Oui, sois le Seigneur Dieu, alléluia. Je le vais aussi chez moi, alléluia, amen. Que le Seigneur t'accompagne jusqu'à chez toi à la maison et qu'il reste là-bas jusqu'à remplir ton âme du Saint-Esprit et de feu de la puissance d'en haut pour sa préparation. Maranatha, Dieu revient bientôt. Merci Seigneur Jésus pour ton amour et ta puissance, pour ton évangile et ton message, pour tes promesses merveilleuses que nous avons entendues, dont nos âmes se nourrissent. Merci de nous avoir exaucés, d'avoir écouté nos paroles, d'avoir communié avec nos âmes, de nous avoir indiqué le chemin, de nous avoir consolé cette foi, parce que nous nous questionnons. Louange à toi, Éternel. Gloire à toi dans chaque maison. Gloire à toi dans la vie de chacun. Gloire à ton nom, Éternel. Merci, Seigneur Jésus, notre amour du calvaire. Maintenant, accompagne chacun. Après la fin de ce service, pour le faire parvenir en sécurité. Au nom de Jésus-Christ, et nous ramener ici demain pour ton service. Si ta venue ne devra pas s'accomplir entre nous, nous rendre fidèle à la chaîne de prière pour demain vendredi. Il y aura ce demain. Louange, honneur à toi. Nous adorons, nous te bénissons. Sois les rochers de notre vie. Sois les boucliers de notre foi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement.